1, 2, 1, 2, 1, 2, hop là. Eh bien, bienvenue à toutes, bienvenue à tous pour ce 26e, maintenant très célèbre, No Form Grooves éclectique, toujours animé par la Société des Ambianceurs. Enfin, ce soir, 50% de la Société des Ambianceurs, car notre cher docteur Pili Pili est lui encore en congé, espèce d'enfoiré. Donc, c'est votre serviteur de toujours, Petit Bizet. Qui va s'y coller et je vais essayer de vous ambiancer correctement avec ce spécial Congo numéro 3. Donc on va essayer de faire là comme on a pris l'habitude de le faire, donc une fois par mois avant notre coupure estivale. On va essayer de faire la lumière sur des petites pépites des deux Congos, donc à savoir Congo Brazzaville et Congo Kinshasa. Donc là, ce qu'on appelle maintenant la République démocratique du Congo, anciennement Zaïre. Et voilà. J'espère que vous avez passé en tout cas de superbes vacances pour ceux qui sont rentrés. Et pour ceux qui sont encore les pieds dans l'eau, ben, profitez. On vous attend sur Genève, mais profitez en tout cas. Et puis ben, pour tous ceux qui sont pas, pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance de partir, Genève a été plutôt cool là, en cette période estivale et toujours d'ailleurs là parce que. Un petit coup d'œil à travers la fenêtre et puis bah soleil et ciel bleu quoi. J'ai envie de dire que demander au peuple, franchement. Allez, trêve de bavardage, donc on va partir tout de suite avec un petit Samangwana et l'African All Star. Le morceau c'est Nsimba Eli. Faites-vous plaisir pour ce troisième spécial Congo présenté par la Société des Ambianceurs. Donc toujours en partenariat avec le super site Boka Musica. Donc j'en passe. Je passe une grosse dédicace à mon grand frère, grand messager et bien sûr à tous les Mbokatiers. Allez, bonne écoute à tous. Avec toi, donne-moi tes 30 ans qui ressemblent à ces amis à Kérida. T'en fais pas, tu qu'en diras-t-on. Recommençons comme la première fois, puisque je n'aime que toi et que sans toi, chérie, je ne suis plus moi. Moi content dans ce rythme-là. Danser. Remonter la musique. jouait qu'on t'a chanté la biguine. La biguine jouait solo, moi qu'on t'a dansé la biguine. Okay. La cavalière m'appartient, vous pouvez danser, mais touchez pas, monsieur. Touchez pas. On les met, on les met, on les met. Okay. Mon mari est capable, attention, monsieur, touchez pas moi. Mon cavalier méchant, attention monsieur, les mains en l'air. Wolola, wolola, wolola. Ma nana c'est méchant, rends-moi ma cavalière, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Wolola, wolola, wolola, wolola. De l'Afrique aux Caraïbes, danser salsa manguana. Wolola. Papa Armand, Lina Mundule, Oseli Zozo, Super Banganda, Lina Musica, Chekitoni Maya, Nanya Kodute, Lina La Salsa, Vieux Emma, Ya Papa, Lufontin Dangwe, Oba Kouzin, Bakouzin, Lina Kadanse, Wolona, Wolona, Wolona, Ajavo Marcelin, à Paris, Vina la salsa. Chez Saint-Plice, au Vatican, Oye ma Kori. Dis moyen bouger, dis moyen goûter. Abat les méchants, viva musica. Yeah! Exodus, ma bandade va succès. Exodus. Ma samba c'est méchant, rends-moi ma cavalière, c'est pas sérieux. Ma samba, Manguana. African Star, les étoiles. Chez Tabou, à Lomé, chez Z. Remontez, remontez la musique. Musique. Toto Bokulata, Papa Armand, Bina Mundule. Mundule. Oseli Zozo, Suka Banganda, Bina Musica. Musique. Chez Kitoni Maya, Nanya Kodute, Bina la salsa. La salsa. Yo Ema, Ya Papa, Fontin Kangwe, Kinshasa. Oba Kouzin, Bakouzin, Bina Kadanse, Kadanse. Operes, Yoka Masio, Yoka Mebango, Operes. Wolola, wolola, wolola. Wolola, wolola, wolola, wolola, wolola, wolola. Continent. Eh bien, c'est ça.

yao bolingo awa zuwa esalio li bala ekote bate mwe li kamo soki li e indongo bandeko moto eko pelao koka buana pe monani maina miso eko lekao bolingo ya gana ye. Bandeko moto eko pelao poka bwana pe monani maina miso eko lekao bolingo yanga na mari bamonaki yo na bandalungwa na lopango e ya banda na ngai ya sika e Medikuna na muyuwe na nzela pikini kia tselere Maboko na se maboko na likolo Bazali kokene promenade ya bolingo Thank you. Yes, yes. De retour en direct. Vous êtes toujours bien calés sur la radio associative de l'usine. L'émission No Form Grooves éclectique. Musique incendiaire pour Méloman Pyroman. Ce spécial Congo numéro 3 qui a extrêmement bien démarré. Donc avec ce Simba Eli de Sam Mangwana et de l'orchestre African All Star, suivi de Uyuru Nyumba de Pamelo Munka. Ensuite, nous avions le Nalembi Kotuna de Mayos. Voilà, ça c'est une petite pépite que j'ai découverte il y a de cela 2-3 mois. Voilà, j'espère que vous passez un excellent moment en notre compagnie. On va partir tout de suite en musique, cette fois-ci avec l'Empire Bakuba et Dilou Mona. Donc la track c'est Nizi. Voilà, c'est parti. Mokolo nini, nizie, natikali na mokuya, na mama. Panama. Peace. le baléli yo marié. Yo mozali si a unité nationale. Bongo ya lelo yo, mon Congo te, mon Galate, biso baso bandeko. Iwana yo, epesi biso makasi na etumba. Makila mayo masopami, ona bomoi kwa Congo. Comité militaire ya parti, asimbi etumba na maboko. C'est la socialisme topona, yango tokolanda. Oh Marien, apôtre de la paix et de l'unité nationale. Biso makasi na etumba, makila mayo masopami, pona bomoi kwa Congo. Comité militaire ya parti, asimbi etumba na maboko. Zela socialisme topona, yango tokolanda. Bomoi kwa komba populaire, esopa mana mwana nyonso ya Congo, oazwa muya na etumba. Comité militaire ya parti, andimi mokumba, marie otikeli miso. Makila mayo masopami, okupimbo ya Congo, ona bomoi kwa komba populaire. Yeso pama na mwana nyonso ya Congo, po azuwa muya na etumba. Okupia tina e, marien wapi, bana Congo, bati misolo etumba, oyo tiki. Makila mayo masomba mi, pona bomoi kwa Congo populaire. Yeso pama na mwana nyonso ya Congo, azuwa mbuya na etumba e. Makila mayo masopami, pona bomoi kwa Congo populaire. Esopama na mwana nyonso ya Congo, po azuwa muya na etumba e. Nani aleli yote, komanda marien wapi, biso bana Congo, tolateli yo mokuya e. Makila mayo masopami, pona bomoi kwa Congo populaire. Upi pona Congo, esopama na mwana nyonso ya Congo, po azuwa muya na etumba e. Marien wapi e. ye bana kongo bakotika te etumba osiki makina mayo masopami mpona bomoi bwa kongo popile esopama na mwana nyonso ya kongo mpo azuwa nguya na etumba ye. nikai papa na bone bao osa komi ba ye ni kayo papa na bone bao e do bokuru babota kingai se mon anniversaire chérie e do bokuru to banana ki se notre anniversaire de mariage bibi sana moke chérie Allons-y pour danser. Naoya et si Kaba pensa ta rendez-vous. Allons-y pour danser. Naoya et si Kaba pensa que la taille. Allons-y pour danser. Chérie, allons-y pour danser. Invitons les amis pour danser. La main dans la main pour danser. La main dans la main. Allons-y danser. Donne-moi ta main. Allons-y. kimbe ni chérie mokolo to banana ki yo nanga yo c'est mon anniversaire de naissance chérie c'est notre anniversaire de mariage mabo tobi mana oya pour aller danser invitons les amis pour aller danser la main dans la main allons-y pour Bon anniversaire, bon anniversaire, bon anniversaire. na passion. Oule oule, bango na soma kimi. Oule oule, yango na simba yene. Oule oule, lelo na simba yene. Oule oule, connaissance ne paraisse pas. Oule, oule, bango na komi a passion. Oule, oule, Yes, hop là. De retour en direct après ce superbe La reconnaissance n'est pas de ce monde de Soki Vangou et l'orchestre Bella Bella. Donc là c'est Bella Bella vraiment phase années 80 quoi. Donc exit Soki Diasenza bien sûr, exit Kantani Boma qui à l'époque donc caracolait en tête des charts avec les Kamalé Dynamique. Hein. On revient pas, on va pas revenir sur Niboma, on en a déjà suffisamment parlé. Mais avant de balancer la suite, on va rapidement faire un petit point musique. Donc après le Nalembi Kotuna de Mayos, nous avions Nizi de l'Empire Bakuba. Ensuite Immortel Marianne Gwabi de l'orchestre Télémusique de Brazzaville, hein, qui était justement dont le leader était le très regretté Nelly Okemba. Ensuite, la deuxième partie de Nelembi Yeye de l'orchestre Kavacha, suivi de Bon anniversaire de Mayaoula Mayomi. Pardon. Et donc, La reconnaissance n'est pas de ce monde de Soki Vangou et l'orchestre Bella Bella. Là, je vais me faire un petit plaisir, je vais mettre un Kobangé de Joli Deta. Donc, c'est les. L'album Afro International qui est en partie composé par Mimile et Joli Deta qui d'ailleurs est toujours en vie et il y avait énormément de spéculation quant à ce qu'était devenue justement cette chanteuse qui a eu son heure de gloire dans la deuxième partie des années 80 à Kinshasa. Et elle est encore en vie. Hein, donc toutes ces histoires comme quoi elle serait décédée du sida ou qu'elle serait même rentrée dans les ordres, bah rien du tout en fait. Elle est encore là. Bref. Donc Kobangé sur l'album Afro International de Joli Deta. C'est parti. Nasala bango nini Tika ngana solo la na yogo kwe eleke Tika ngana solo la na yogo kwe meli solo Ngungia solo linga li solo muziki na butu Nzoka asala kana yeboye Ngaimiri na sangi liloba ya koloba Poyo yo sali ele kingam Nzoka yo koma na mobali nangam Yo ami ami nangam wa motemae Confiance na pesa ki yo e moziki ye Nzoka ndesala ki confiance atonga Suma ya nini Kamarade nyosonga na zwaka Suka koma mbanda nanga Ata mwana mosalanga na kwangaje Suka seya koma sosie Banda lungwa memelanga makambo na maboko we Mbalo biyo tata ya bahoyo we Nakulu twa kobange Nati ya moto wa biyanto we Kisasa batondi bomba yebo Bino kaka misose na mabala ya batoe Ikanga na fanda na mobali na mba Tobo kolobana avenira lobi Ikanga na fanda na mobali na mba Tobo kolobana avenira lobi Anilo Nzapa ikembi Django anilo Ojuku ikendi Thank you. na sena mabala ya batoe Ikanga na fanda na mabali namba Tobokolo bana na venira lobin Ikanga na fanda na mabali namba Tobokolo bana na venira lobin Yamilo Mama ikemi Jango hamilo Ojuku ikemi Bombole, côté là, tanga. Ma pata est il est dans les colons, boule boko kita. Ma pata est il est dans les colons, panka ke koboma. Kaka sempoya ma kwela na zwa, pa kominde koluka moto na ma. Moziki apeli kizungu zungu Bonganga yoko telinga e moziki e Ye bato koti e perde mae Bonganga yoko telinga e moziki e Ye bato nasali super vainqueur Ngaimele na boi koko tanda koya nganga Nazali mwana nzambe Kosalisa nasalisa kio e moziki e Nzoka ndeza la kili sapo yangu mae Kosalisa nasalisa kio e moziki e Nzoka ndeto sala kili sapo yangu mae Amilo Nzapa ikembi Chango amilo Mama ikembi Nazala kana kito kwa talatala te Nalandande lokolo ya famiye Nazala kakizo disa na polingo te Tunarenzo na luise bako ye disa Mama ikembi Chango amilo Ojuku ikembi Papa Ikendi, Mama Amilo, Papa Ikendi, Django Simbanga Nzotowe, O Django na Ojuku, Mere ye ye mere, Mere ye ye mere. Matinzete chukwene mi bara mo ngerengo mi bara mwe a o mere ye ye mere a o mere ye ye mere la vie. Oh yes. Oh la vida. Thank you. Oh, c'est chic. changer, faut changer. Moi toi si calissima eh, moi si ali kolobo eh. Eh baby oh. Le soir, la longueur de la nuit, le jour. ta solo mama Kini eto na makambo To pesa na zoto kilo Poto ligani Oyo kaso nite akana na koto silisa Ibala ya solo to sito boti na yo wana Lelo mambo na gana yo lisu soto boya na ye Mokumba ya mwana to boti na biya ko batila Yeba kaso lo mama Kini eto na makambo To pesa na zoto kilo Poto ligani To pesa na moligo na biso Loko la ligi Uba! Akwaya! Olingo nanga songa nanda kwe Kaina kolela Matika lingo nzepe ya pambaye Nizanga matiti Olingo nanga songa nanda kwe Kaina kolela Matika lingo nzepe ya pambaye Nizanga matiti Ngana lela mama Ye ye ye Ngana lela sheri ye Atanda katia kutu na kolota seye Ena banda mangali bala engali bashare na motema Oh, ngana nina mama Yeah, ngana nina mama Yeah, ngana nina mama Yes, yeah Kolingo nanga zonga nanda kwe Kaila kolela Natika libo zete ya pambaye Ezanga matiti Yeah, ngana nina mama Mama, yeah, gana lela sherie, atana katia pongi na kono taseye, ye na mbanda na gali bala engali bashake na motema, oh, gana lela mama, yeah, gana lela kateni, yeah, gana lela mama, sherie, Kolingo nanga zonga nanda kwe Kaina kolela Natika lingo zete ya pambaye Nizanga matiti Ngana lela mama Ngana lela sherie Atana kata pongi na kono tatino Yena mbana nanga libala Engali mashake na motema Ngana lela mama Ngana lela mama Ngana lela mama Yasi Kolingo nanga zonga nanda kwe Kaina kolela Natika libo zete ya pambaye Nizanga matiti sonne ikinsaku na no makere ikinsaku na mo pwete ikinsaku uta musire ikinsaku mama mama beta mama mama buka mama mama beta mama mama buka mama mama amuta dine ikinsaku amuta jasie ikinsaku amuta yeka ikinsaku amuta luta ikinsaku amuta mukubwa ikinsaku amuta lafire ikinsaku mama mama abenda ha mama mama abuka mama mama abenda mama mama sa se le va quoi Bolingo, Mimi. promis carte d'amour. Kale boison makina kini apesa kili loba. Apesi sangonde na zwani mimi ake ii. Soki penza bondo ki esali carte d'amour. Ne bavola boni bavala na mboka oi. Génération Sika Bondoki et Kaboli Bolivo. Mimi a kéye Bondoki et komi carte d'amour. Kalebo aleli vano Bondoki et komi carte d'amour. Pense qui tombe talali kamo Bondoki et komi carte d'amour. Monjo Shirake Bondoki et komi carte d'amour. Ise matumo na viki me Bondoki et komi carte d'amour. Naleli bendito Bondoki et komi carte d'amour. Boda boda yo kama wae Bondoki et komi carte d'amour. Tutu ya claire la thank you. bana, soki mpona bilobela na bato tembana, betoka bona teo ngana yo mbana ye. Natikalaki na mpasi na nga na motema na milobaki tika na landa nasela mpe na meka nasambelaki nzambe esengelaki ye. là, hop là. Voilà, c'était Théo Blaise Kunku et le morceau Mbana. Voilà, voilà. Mais écoutez, ça va être gentiment l'heure de se quitter. J'espère que vous avez passé, un excellent moment avec avec ce petit spécial Congo. Donc retour sur quelques pépites des deux Congos. Donc je rappelle Congo Brazzaville et Congo Kinshasa. Donc ex Zaïre, maintenant qu'on appelle la RDC. Voilà, donc c'était le retour officieux de la Société des Ambianceurs. Alors, officiellement, on reprend donc le lundi 21, lundi prochain, on va recevoir l'artiste René Villeneuve qui va venir justement nous enchanter un petit peu de ses quelques créations musicales, des récentes et d'autres qui ont déjà quelques années. Donc ça va être vraiment pour notre pour le retour officiel de la Société des Ambianceurs sur Radio Usine. Avant de vous quitter, on va quand même faire un dernier petit point musique. Donc donc après le Kobangé de Jolie Deta, on avait Mieux vaut tard que jamais, Lolo Lolita et Chico Chikaya, suivi de Motema Pembe des Tontons de Brazza, le Zunga Zunga Nandako de Dinou Vangu, Guitar Hero, hein, Dinou Vangu pour ceux qui connaissent pas, hein, si on peut comme ça créer une petite hiérarchie un petit peu bâtarde, il y a Docteur Nico, et je pense que Dinou Vangu vient pas loin après, du fait qu'il soit toujours en vie et encore en activité. Donc voilà, Dinou Vangu, c'est donc le morceau Zunga Nandako, suivi de Carte d'amour de Zaiko, et bien sûr donc le Mbana de Théo Blaise Kunku. Là, on va se quitter sur le Tangana Rumba Matata de Grand Calais et l'African Jazz. Et je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée sur Radio Usine ou où vous voulez d'ailleurs, en terrasse pour un petit verre avec des amis ou pour déguster un bon plat. Et moi donc je vous dis à la semaine prochaine, passez une excellente semaine, portez-vous bien, bye bye. Nakagisa ngomote mamokeo, epai ya banganga.